sans désespérer, cherche sans jamais douter. Garde au fond du cœur ton espoir et ta vigueur. Un jour tu seras vainqueur. Cherche jusqu'au bout de la nuit. Cherche au fond. Plus jeune.